première vue, l'attacher à la vie sociale en la lui rendant plus douce que celle qu'il menait alors et surtout plus analogue à la vie qu'il venait de quitter. Un changement brusque dans sa manière de vivre, les fréquentes importunités des curieux, quelques mauvais traitements, effet inévitable de sa cohabitation avec des enfants de son âge, semblaient avoir éteint tout espoir de civilisation. Sa pétulante activité avait dégénéré insensiblement en une apathie sourde qui avait produit des habitudes encore plus solitaires. Aussi, à l'exception des moments où la faim l'amenait à la cuisine, on le trouvait toujours accroupi dans l'un des coins du jardin ou caché au deuxième étage derrière quelques débris de maçonnerie. C'est dans ce déplorable état que l'ont vu certains curieux de Paris et que, d'après un examen de quelques minutes, ils l'ont jugé digne d'être envoyé aux petites maisons. Comme si la société avait le droit d'arracher un enfant à une vie libre et innocente pour l'envoyer mourir d'ennui dans un hospice et y expier le malheur d'avoir trompé la curiosité publique. Je crus qu'il existait un parti plus simple et surtout plus humain. C'était d'user envers lui de bons traitements et de beaucoup de condescendance pour ses goûts et ses inclinations. Madame Guérin, à qui l'administration a confié la garde spéciale de cet enfant, s'est acquittée et s'acquitte encore de cette tâche pénible avec toute la patience d'une mère et l'intelligence d'une institutrice éclairée. Loin de contrarier ses habitudes, elle a su, en quelque sorte, composer avec elle et remplir par là l'objet de cette première indication. Pour peu que l'on voulût juger de la vie passée de cet enfant par ses dispositions actuelles, on voyait évidemment qu'à l'instar de certains sauvages des pays chauds, celui-ci ne connaissait que ces quatre choses: dormir, manger, ne rien faire et courir les champs. Il fallut donc le rendre heureux à sa manière, en le couchant à la chute du jour, en lui fournissant abondamment des aliments de son goût, en respectant son indolence et en l'accompagnant dans ses promenades ou plutôt dans ses courses en plein air, et cela quelque temps qu'il pût faire. Ces incursions champêtres paraissaient même lui être plus agréables quand il survenait dans l'atmosphère un changement brusque et violent, tant il est vrai que dans quelques conditions qu'il soit, l'homme est avide de sensations nouvelles. Ainsi, par exemple, quand on observait celui-ci dans l'intérieur de sa chambre, on le voyait se balançant avec une monotonie fatigante, diriger constamment ses yeux vers la croisée et les promener tristement dans le vague de l'air extérieur. Si alors un vent orageux venait à souffler, si le soleil caché derrière les nuages se montrait tout à coup, éclairant plus vivement l'atmosphère, c'était de bruyants éclats de rire, une joie presque convulsive pendant laquelle toutes ses inflexions dirigées d'arrière en avant ressemblaient beaucoup à une sorte d'élan qu'il aurait voulu prendre pour franchir la croisée et se précipiter dans le jardin. Quelquefois, au lieu de ces mouvements joyeux, c'était une espèce de rage frénétique. Il se tordait les bras, s'appliquait les poings fermés sur les yeux, faisait entendre des grincements de dents et devenait dangereux pour ceux qui étaient auprès de lui. Un matin, qu'il tombait abondamment de la neige et qu'il était encore couché, il pousse un cri de joie en s'éveillant, quitte le lit, court à la fenêtre, puis à la porte, va, vient avec une impatience, de l'une à l'autre, s'échappe à moitié habillé et gagne le jardin. Là, faisant éclater sa joie par les cris les plus perçants, il court, se roule dans la neige et, la ramassant par poignées, s'en repaît avec une incroyable avidité. Mais ce n'était pas toujours d'une manière aussi vive et aussi bruyante que se manifestaient ces sensations à la vue de ces grands effets de la nature. Il est digne de remarquer que dans certains cas, elles paraissaient emprunter l'expression calme du regret et de la mélancolie, conjecture bien hasardée et bien opposée sans doute aux opinions des métaphysiciens, mais dont on ne pouvait se défendre quand on observait avec soin et dans quelques circonstances ce jeune infortuné. Ainsi, lorsque la rigueur du temps chassait tout le monde du jardin, c'était le moment qu'il choisissait pour y descendre. Il en faisait plusieurs fois le tour et finissait par s'asseoir sur le bord du bassin. Je me suis souvent arrêté pendant des heures entières et avec un plaisir indicible à l'examiner dans cette situation. À voir comme tous ses mouvements spasmodiques et ce balancement continuel de tout son corps diminué s'apaisait par degrés pour faire place à une attitude plus tranquille. Et comme, insensiblement, sa figure insignifiante ou grimacière prenait un caractère bien prononcé de tristesse ou de rêverie mélancolique, à mesure que ses yeux s'attachaient fixement sur la surface de l'eau et qu'il y jetait lui-même, de temps en temps, quelques débris de feuilles desséchées. Lorsque, pendant la nuit et par un beau clair de lune, les rayons de cet astre venaient à pénétrer dans sa chambre, il manquait rarement de s'éveiller et de se placer devant la fenêtre. Il restait là, selon le rapport de sa gouvernante, pendant une partie de la nuit, debout, immobile, le col tendu, les yeux fixés vers les campagnes éclairées par la lune, et livré à une sorte d'extase contemplative dont le silence et l'immobilité n'étaient interrompus que par une inspiration très élevée qui revenait à de longs intervalles et qu'accompagnait presque toujours un petit son plaintif. Il eût été aussi inutile qu'inhumain de vouloir contrarier ses dernières habitudes, et il entrait même dans mes vues de les associer à sa nouvelle existence, pour la lui rendre plus agréable. Il n'en était pas ainsi de celle qui avait le désavantage d'exercer continuellement son estomac et ses muscles, et de laisser par là, sans action, la sensibilité des nerfs et les facultés du cerveau. Aussi dus-je m'attacher, et parvins-je à la fin et par degrés, à rendre ses courses plus rares, ses repas moins copieux et moins fréquents, son séjour au lit beaucoup moins long et ses journées plus profitables à son instruction.